zéphyr à deux doigts du rivage. Je prête à la beauté l'ovale de mon visage. Ma chevelure épaisse ondule jusqu'à mes fesses. Avec mon regard d'eau coincé dans mon tableau, toute nue sur ma coquille, c'est moi qu'on déshabille. Sur les quais de l'Arnaud, un balai d'autobus. Des Belges et des Chinois viennent admirer Vénus. Des visites à l'appel, en groupe individuel. Des touristes alignés, en rang discipliné. Depuis que je suis née, on se presse à mes pieds. Dites bien autour de vous que Vénus en a marre d'incarner la beauté d'être une superstar. Déclinée en poster. Les flashs, mais les noms comptent. Le baratin des guides sur ma posture languide. J'écoute les commentaires qu'on fait sur mon derrière. Oui, je suis bien en chair. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Dites bien autour de vous que Vénus en a marre d'incarner la beauté, d'être une superstar, d'apprendre l'histoire de l'art à des touristes ignares. Autour de vous que Vénus en a marre d'incarner la beauté d'être